Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, toujours là jusqu'à minuit. L'émission spéciale. Carter ce soir avec nous. Toute l'équipe est là. Il est allé préparer sa petite rime facile dans son coin pour pas qu'on regarde sa copie. Ouais. Là. Donc là, moi, j'ai déjà préparé les prods pour le freestyle. Ok. Je vais préparer mon télé. Est-ce que ça te dérange si je filme? Non, c'est bon, tu peux, fais-toi plaisir. Ok, attends, je vais tout préparer. Mets tes lunettes de soleil, non? Non, c'est bon, non. Pourquoi tu les as pris alors? Bah, tu sais, la journée, il y a du soleil, tu vois. Ouais. Ouais. Jounès, ce que je propose, avant de lancer la rime facile, tu nous envoies un jingle. Tu proposes des trucs, toi. Direct, je propose. Tu nous envoies un jingle. Carter, ouais. il enchaîne direct. Et puis c'est parti, après freestyle, bim bam boum. Vas-y, Lego. C'est bon pour toi? Lego. Ouais, c'est parti. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. À toi de jouer, mon gars. Ok, c'est parti. Je profite de l'été pour déclaquer de chaussettes. C'est grâce à la moula que j'ai la fée. Le démon marseillais encore perdu. Un peu de parfum aux heures perdues. Je rêve de ramener Chaya Belfort. Je profite de la vie avant ma mort. Je profite Radio Sud Besançon. Force à main portugais, ma musique est béton. Chiche. C'est parti ou quoi? Ça, c'est mes gars qui vont freestyle. Prenez place. Je laisse mon micro si jamais. On est toujours dans la 25e. Je fais ma grosse chère patron aspire. Attends mon gars, placez-vous, mettez-vous à l'aise. On part dans le freestyle, il est 23h02 exactement. Je pull up ça. Carter, Osiris. Koulou. Chaud. I just like the sound. Hey. Je fume un gros, j'ai pas trop d'inspi. Le C me dit vas-y fais de spi. Au fond de moi ouais je désespère. Pour quelques love tu vends ton esprit. On s'en bat les couilles comme les espoirs. Je suis revenu pour marquer le score. Tu veux dire qu'il faudra faire des squats. Sur Instagram faut péter le score. Ma marsupilami. T'es pété comme Konami. Quand t'es au fond du trou ego tu sais que t'as plus d'amis. Je suis au cas, je retire ma mise. Pète Millie, fais tes valises. Fais tes bails avant solo et n'écoute pas ce qu'ils te disent. Veux sa bague au doigt quand ma couronne. Veux sa bague au doigt quand ma couronne. J'ai changé mon univers à part du Johnson. Sont pas les couilles de ce que je raconte. J'suis en ligne de Basel à London. Tu débites, t'as toujours pas réglé tes comptes. Son boule me donne mal au crâne, donc j'vais à la pharmacie. Me demande pourquoi ça dépasse, peut-être qu'elle est mal assise. Je me retourne comme s'il y avait une mur, c'est la go. À la fin de l'acte, j'hésite à remercier la go. Like ça dit quoi? Hey. Un peu de fatigue, je navigue avec mon navire, pas de panique. Hey. La marine, je suis un pirate des Caraïbes. Partout, le nouveau de l'Atlantique, bientôt de retour au port d'Antibes. Faites ta musique, toute la liste piste de ta playlist. Regarde comment je m'applique. Le talent, je suis pas mage. Pas d'une garde, je me lève, Yossa. Tout simplement, fantastique. On a du physique, quelques risques techniques. Puissance maximale, fibre optique. Street, game, on est unique. N'a qu'à trop frère, la même équipe. Ok, chiche. Pietro Nack Street. Hey. Clou Osiris Nack. T'es prêt ou quoi? Ça fait. Journée qui débute, je débite. Hey. J'ai ma tête à ce débat. Ego, tu enchaînes les feats. Et les gens ne te connaissent pas. Les gens, il faut les choquer. Pour qu'ils se rappellent de toi. Bordeaux, je suis choqué. Comme chacun écrit sa loi, je vois la concu échouer. Peut-être que je suis pas doué. J'ai pas choisi, j'ai pas voulu. Ils m'ont tous à m'adoué. T'as fait, tu l'as loué. Il te faut juste une bouée. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Pour que j'ai la gorge nouée. Je me détends. Vas-y, c'est la fin de la série, gros. On pull up ou quoi? Vas-y relance. C'est parti, hein. Vas-y, relance. Hey, Ozzy. Ozzy, ça fait. Je fume un gros j'ai pas trop d'inspi. Le C me dit vas-y fais de spi. Au fond de moi ouais je désespère. Pour quelques love tu vends ton esprit. On s'en bat les couilles comme les espoirs. Je suis revenu pour marquer le score. Tu veux dire qu'il faudra faire des squats. Sur Instagram faut péter le score. Ma part subit ami. T'es pété comme Konami. Quand t'es au fond du trou ego tu sais que t'as plus d'amis. Je suis au cas je retire ma mise. Pète Millie fais tes valises. Fais tes bails avant solo et n'écoute pas ce qu'ils te disent. Hey journée qui débute je débite. jamais ta terre va se débat. Igo, tu enchaînes les feats et les gens te connaissent pas. Les gens, il faut les choquer, choquer pour qu'ils se rappellent de toi. Poto, je suis choqué, choqué. Comme chacun écrit sa loi, je vois la concu échouer. Peut-être que je suis pas doué. J'ai pas choisi, je l'ai pas voulu. Ils m'ont tous amadoué. T'as fait, tu l'as loué. Il te faut juste une bouée. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Pourtant, j'ai la gorge nouée. Je fume, je me détends. J'oublie les soucis, je n'ai pas le temps. T'as voulu rapper, personne t'entend. Et faire de l'argent, ouais, c'est tentant. Moi, j'ai pas fait ce qui m'étantine. Chez eux, très peu de choses qu'ils tolèrent. Je me sens comme muslim dans cantine. Je comprends ce qu'ils soient tous en colère. Hey, hey, hey, hey. Osiris. Hey, hey, hey. Vas-y, t'as d'autres instruments à nous proposer de bail. Vas-y, vas-y. L'émission spéciale Carter ce soir. Osiris, Koulou, Nak, autour de la table. Dans la massa, ils me disent Ozzy, ouais, qu'est pas ça. Je l'ai pas choisi, je l'ai pas voulu, ça se passe comme ça dans la casse. Je passe toute ma nuit à compter ma paye, les yeux vitreux du soleil. Pourquoi tu me tends le joint? Tu vois bien que c'est le plus la vieille. Je te promets mon zémerve, dans la trappe, y'a pas de ré. T'as les yeux plus gros que le ventre et le nez dans la bouteille. Hey, hey, à gauche, je devrais. T'as pas un truc qui bouge un peu plus? Le old school et tout, ça me. Moulin. Vas-y, balance. T'es chaud, mais tout là, vas-y. Avec mon, on envoie la suite avec mon gars Carter. On va lancer Moula comme ça. Je t'envoie la suite comme tu m'avais donné. Go go go. Carterisation 3 est dans les bacs, Spotify, partout. Allez péter ça, excusez-moi. Je me jette dans le trou noir, refuse les deux, madame quoi. J'arrive, je fais le total. Si c'est ma maintenant c'est trop tard. Que je signe ou pas, photo, c'est la même. Je fais ce que j'ai fait, pas pour les meufs, mais seulement pour le bien de ma mère. J'ai toujours refusé l'amitié pour le bien de mes frères. Ce n'est pas parce qu'on parle sur les réseaux quelquefois que tu sais ce que j'en pense. Maintenant que j'ai la lumière, ils voudraient que je les invite sur la piste de danse. Félicite en face, mais dans le dos, disent que j'ai eu que de la chance. Maintenant que je suis gagnant ou change, ma musique bat dans la tempe. Tant pis, tant que j'ai son cul pour la night. J'fais dans le partage du gâteau, j'donne les bras. Car toi t'es trop chaud, c'est abusé comme sur scène, tu mets le feu. J'ai tous tes sons dans ma chambre, regarde Sabrina comme c'est le feu. Et j'collectionne les bitches dans le répertoire. Les gens d'Urbaine regardent la mémoire. Et même la mort ne me fera pas peur. J'reste dans la vie et dans ton cœur. Quand j't'aurai au bigot, quand j'te dirai que t'es trop chaud. Le succès m'a rendu accro. Carter le sait sur ma peau. Hey, quand je te rends au bigot. Hey, carterisation 4 dans les bails. Quand tu me diras t'es trop chaud, chaud, chaud, chaud. Le succès m'a rendu accro. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ma vie c'est la famille, vaincre la famine. J'crache jusqu'à user ma mine, ouais bien sûr m'amène, ouais m'amène. Ils voudront toujours m'amener dans des bails sataniques. Hey, hey, hey, les vérités saturées, ça te mettra dans le nid. On dit beaucoup de je t'aime pour si peu de vérité. On a beaucoup d'amis pour avoir si peu de vrai. Beaucoup de rage, si peu de haine. Beaucoup de rap, très peu de fame. Beaucoup d'amour, si peu de faux. Beaucoup d'avance, si peu de mots. Carter, quand je t'aurai au bigot. Quand tu me diras t'es trop chaud. Le succès m'a rendu accro. Carter le sait sur ma peau. Quand je t'aurai au bigot. Quand tu me diras t'es trop chaud. Le succès m'a rendu accro. Hey, carterisation 4 partout en streaming. Carterisation 3, va pêcher ça en streaming. Hey, c'était Bigot. On va enchaîner sur un son très lourd. Et pour ça, j'appelle Osiris à la barre. Aïe, aïe, aïe, vas-y, balance. Paye, paye, paye. La 25e, on est toujours là, t'inquiète. On est là. On envoie la suite, on envoie le feu. Paye dans Radio Sud. Big up à l'équipe de Radio Sud. Si, si. La 25e, Carter dans la maison. Hey, hey. Radio Sud. Belfort, Carter, Ozzy. Yeah. Pay, pay, pay, envoie-nous la moula. Pay, pay, pay, pour qu'on nourrisse la mama. Pay, pay, pay, qu'on fasse encore la mala. Pay, pay, pay, ramène-nous l'argent maintenant. Moula, gangster, Carter, Ozzy, fumeux, Tello, Belfort, le sèche. Pas de bleu sans taspé, hey. Pas de choquer sans cacher, hey. Pas de meuf sans baiser, hey. Pas de Belfort sans le sait. Accélération de manée, on n'est pas dans la même année. Si tu le dis, c'est donc que tu le penses. Donc mesure tes propos avant de parler. Tout est réel, tout est carré. J'ai mis ma chemise à carreau. Dans le game je me suis égaré et j'ai perdu toutes mes galoches. Je vois pas de carte, je suis méconnaissable. Dans mes rêves je contrôle le sable. Enferme-toi sur toi-même et tu deviendras vraiment détestable. D'ailleurs dis-moi qui est fiable, qui peut s'asseoir à ta table. Tout le monde veut de l'oseille mais dis-moi qui en est vraiment capable. J'arrive dans le game, crois que tout est coulé. Je prends la concu, je vais les toucher couler. J'ai pas écouté, tu commences à peine et t'es déjà essoufflé. T'as fumé la frappe et ça t'a dégoûté. T'as pas écouté. T'es tombé tout seul, une histoire de raté. Agamago et ma poké poké. Je suis démonté sur la banquette. Les problèmes ne font que toquer, toquer. Je sais que le commissaire enquête. Agamago et ma poké. Ouais, j'ai du bif dans la pocket. Et tous mes potos me disent Ozzy, arrête de fumer la moquette. Pay, pay, pay, envoie-nous la moula. Pay, pay, pay, pour qu'on nourrisse la mama. Pay, pay, pay, pour qu'on entend la mala. Pay, pay, pay, ramène-nous l'argent. Moula, Kester, Carter, Ozzy, je me. Tello, Belfort, le C. Pas de bleu sans taspé. Pas de choqué sans cacher. Pas de bœuf sans baiser. Pas de Belfort sans le C. Avant de raconter le sommet, faut écrire le sommaire. Bizarre d'être le rappeur préféré de ses prépubères. Quand t'entends bang bang, c'est l'heure du big bang. Je rappelle déjà que tu connaissais pas les gangbangs. Rappette aveugle en 4 yeux. 10 ans de rap et je deviens yeux. Carterisation c'est 5 chiffres. Je suis un écrivain qui se livre. Pose pas de questions sur ma vie. Pose pas de questions sur ma ville. En fait, t'es juste une groupie. Et je m'en occupais cette nuit. Ils savent qui nous sommes. Envoie-nous les sommes. Pas besoin de com pour toucher le sommet. Le sait sur son phone et je la prends pour une conne. Je ne me présente plus car tout le monde me connaît. Hey, me connaît. Hey, hey, hey. Pay, pay, pay, envoie-nous la moula. Pay, pay, pay, pour qu'on nourrisse la mama. Pay, pay, pay, qu'on fasse encore la malasse. Pay, pay, pay, ramène-nous l'argent maintenant. Moula, Gangster, Carter, Ozzy, Femme, Tello, Belfort, le C. Pas de bleuta sans taspé. Pas de choqué sans caché. Pas de meuf sans baiser. Pas de Belfort sans le C. Hey, pas de Belfort sans le C. Capitalisation 3 dans les bails. Merci à Ozzy et toute l'équipe NAC. Suzu, Koulou, on est ensemble. Merci à tous ceux qui sont venus et tous ceux qui m'ont écouté. Sale Merci Radio Sud. Si. Lourd. Merci frérot, merci. Lourd. J'ai particulièrement bien aimé le dernier là. Il est lourd celui-là. Je te remercie frérot. Très très lourd celui-là. Il est extrait de Carterisation. Ouais, mais celui-là, je l'aime, non, je l'aime vraiment bien. Juste tranquille. Je pense au prochain. Tranquille. il faut quand même qu'on passe une dédicace à Kenyu Records, tu vois. C'est là où on est allé poser gros big up Gianni surtout. C'est la famille. Gianni Chem, c'est la famille. Grosse force à eux. Il a fait le taf. La gestion, il a été bon sur ce coup-là. On nous a bien aidé. Avant que ça soit notre fin, est-ce que je pourrais big up quelques personnes? Vas-y, prends ton temps. Big up Radio Sud, merci pour l'invitation, les gars. Pas de problème. C'était cool. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Ozzy, Nak, Koulou, Amandine, Daddy, Didi, Susu, Aurélie et Laura. Merci à vous, les gars, aussi. Je remercie tous les gens qui m'écoutent, avec Joe, la famille. Je remercie ma famille aussi. Au passage, merci à tous ceux qui m'écoutent. Merci à tous ceux qui m'ont streamé. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages quotidiennement pour l'album. Beaucoup d'amour. Je vous le rends en musique et je vous remercie tous. Est-ce qu'un Carterisation 4 ? Carterisation 4 arrive à la fin de l'année. Ok. Tu changes plus de titre du coup, tu restes... Je reste sur... Non, Carterisation 4, tu sais quoi, je vais te dire un truc, ce sera le dernier volet des Carterisations. Ok. Yes. Exclusivité Radio Sud pour Besançon. Mondial. Travis Scott ne sera pas dessus malheureusement. Ah merde. Tranquille, on appelle JJ. Yeah! Jay-Z. On est en négociation. En famille. Jones, le mot de la fin, comme d'habitude. Aïe, c'est le mot de la fin. J'ai oublié une personne. Vas-y. Il va me tabasser. Vas-y. Gros big up à Ketro, mon gars Ketro. Et je l'assure, qui sera sur Carterisation 4. Si, si. Grosse exclu mondiale ce soir pour Radio Sud. Si, si. Exclusive. Exclusive. Force, écoute, force, force. Ne partez pas. On va faire les photos, tout ça, ne partez pas tout de suite. Nous sommes là, nous sommes là. Pour ceux qui nous écoutent, on vous met 2-3 instrus. Si vous avez envie de rapper dans vos voitures ou sous les ponts, là, à Besançon, allez-y, c'est maintenant que ça se passe. Il n'y a pas de problème. Mettez-vous en cercle. Ah, attends. Non, non, une je autre dis, exclu, une non, autre exclu. Je dis, non, pas, exclusivité. Non, il n'y aura pas de. Non, mais c'est difficile. Il faut que je big up tout le monde en vrai. Il y a déjà mon poteau Nak qui a sorti un son qui s'appelle The la semaine dernière. Il faut aller streamer ça fort. Le son est lourd. Le son est lourd. Il y a aussi mon frère au Minuit 60 qui a sorti une mixtape en début d'année. Couture, il faut aller l'écouter, que des dingueries dedans. Du coup, c'est une heure. Ouais, ouais, ouais. ouais. Minuit 60, c'est une heure. Ouais, ouais. Merci, merci. Il faudra lui demander, il viendra à l'occasion, il vous dira. Pas de soucis. Mais franchement, non, allez écouter Minuit 60. Très, très gros projet, The de Nak. Ok. C'est la famille. Bon, vas-y, parle un peu avant. Là, c'est ouais, fini, ouais. C'est fini, là, c'est fini. Du coup, ouais, je parlais des mecs sous les ponts qui font des freestyles autour d'un tonneau en feu. Non, vas-y. On va faire nos photos comme d'hab pour ceux qui savent, parce que bon, on va quand même immortaliser le moment. Si, et puis je sais qu'il y a des mecs qui voulaient kicker autour de la table. On a toujours des instrus si vous voulez rester un petit peu. On met, il y a pas de problème. Session open mic, on est là. Je vous laisse un peu avec du Biggie. On va prendre nos photos et puis après on se réinstalle hein, pour ceux qui veulent. Désolé, désolé, on est toujours là, la 25e, on est toujours là, ne quittez pas, je vous renvoie 2, 3, 4, 5, 6 instrus, roulez. 25ème, on est là toujours jusqu'à minuit. Il est 23h30 exactement. Ça s'installe autour de la table, tranquille, tranquille. Toujours dans la 25e, il est 23h30. On a pris nos photos, on s'est réinstallé autour de la table. J'avais une petite demande là, une petite demande spéciale de la part de Nak. C'était de diffuser le morceau The. Donc là, je vais essayer ça. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Je sais pas si ça va marcher. On va voir, on va voir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est ça? Yes. Knock on live! Hey. Saute de la falaise, vas-y saute, saute. Nage dans du magma, vas-y nage, nage. Saute de la falaise, vas-y saute, saute. Nage dans du magma, vas-y nage, nage. Saute, saute, saute de la falaise. Nage, nage, nage dans du magma. Saute, saute, saute de la falaise. Nage, nage, nage dans du magma. Album de Kétro, piste numéro 4. Composition 064. Gardien de but installé un Mac. Devant nous sommes les Fantastiques 4. Pas de défense, ouais. Juste de l'attaque, ouais. Héros seulement celui qui marque, ouais. Je suis Knock, démoniaque. Shaitan, démoniaque. Je suis le roi, victoire on y croit. Conclu, je la vois, leurs femmes sont mes proies. Se cachent, on les voit, rapide, change de voix. Le retour de Knock partout, c'est la joie. Saute de la falaise, vas-y saute, saute. Nage dans du magma, vas-y nage, nage. Saute de la falaise, vas-y saute, saute. Nage dans du magma, vas-y nage, nage. Saute, saute, saute de la falaise. Nage, nage, nage dans du magma. Saute, saute, saute de la falaise. Nage, nage, nage dans du magma. Survête Nike, devant le Mike. Une étoile à la Cyril Lignac. Street gang, aïe, je me fight. Chaos sur chaos comme Iron Mike. Pas de masque, j'enfile ma cape. J'arrive au secours pour sauver le rap. Twerk des twerk, des fesses qui claquent. Des belles on te garde, des moches on te zappe. Faut sortir d'un volcan, légende comme Volcan. Je m'enflamme sur Mohican, Fenerbahçe hooligan. Faut sortir d'un volcan, légende comme Volcan. Je m'enflamme sur Mohican, Fenerbahçe hooligan. Saute de la falaise, vas-y saute, saute. Nage dans du magma, vas-y nage, nage. Saute de la falaise, vas-y saute, saute. Nage dans du magma, vas-y nage, nage. Saute, saute, saute de la falaise. Nage, nage, nage dans du magma. Saute, saute, saute de la falaise. Nage, nage, nage dans du magma. Saute de la falaise. The Knock, saute dans du magma. The Knock, saute, the Knock, saute, saute, saute, saute, saute de la falaise. Nage, nage, nage dans du magma. Saute, saute, saute de la falaise. Nage, nage, nage dans du magma. C'était le son de Knock, N-A-A-K-H, c'était The. Est-ce que t'as un projet qui est en cours ou quoi? C'est quoi les bails? Actuellement, non, j'ai pas de projet en cours. Ok. Je pense préparer quelque chose. Ok. Est-ce que ça freestyle autour de la table? Ouais, ouais, t'as... Est-ce que ça freestyle? Ouais, on a des petits freestyles de côté. Vas-y. On attend ça depuis longtemps. C'était une mi-temps. T'as accès à YouTube, y'a moyen de mettre une instru en particulier ou... Ah, moi j'ai des instrus là, attends. Mets tes prods. J'avais un son en particulier. Attends, j'ai des instrus, t'inquiète pas. Y'a des instrus, t'inquiète. Carter, Ozzy. Taga dans la pièce, je parle pas tagada, pas de fraise. Osiris vient poser son 16, revenu juste pour vous faire plaise. Tu cours pour une paire de fesses, parle pas de billets de bénéfices. Je passe ma vie au café lève, je rate le but, tu es trop zaraf. Roule un dubita, poto, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Quand je kick, ça fait bang. Je me lève tôt et je me couche après minuit. Tu connais ma name, j'obscurcis le game un peu comme une éclipse. Tous les hommes savent, je sors pas assez, c'est ça la vie d'artiste. Carter, Osiris. Par la concu comme un coca, ils me disent Ozzy t'es trop taré. J'ai jamais eu besoin d'avocat, j'oublie la vie dans un carré. Et demain je serai pareil, si tu veux on fait un pari. Ça change quoi, au fond tu le sais que ce sera pari. Sale. Carter, vas-y. Je suis dans les boys, dans le bendo, tu connais les jazz. Fuck le bédo, quoi de neuf? Je mets les MC à terre, rien à part que je suis millionnaire. Attends, pull up. Vous voulez les chauffer un peu? On pull up, t'inquiète. La 25ème, on est là jusqu'à minuit. On est là. Yeah. Osé, Carter. T'es prêt ou quoi? Ils me prennent tous pour un taille, c'est pour ça que j'augmente les tao. 2018, tu pailles, j'encule la concu, c'est pas beau. Tu kiffes ou pas, c'est pareil, j'suis dans mon délire comme Pablo. La mixtape sera caille, j'rentre dans le game en chemise à KO. Hey, je fume beaucoup trop de cannabis, j'sais qu'au fond ça me canalise. J'pense à ma vie, je l'analyse, on cherche tous à faire nos valises. Sur le chemin, pas de balise, l'objectif c'est faire du rallye. Pas de lendemain, j'double la mise, je check la match de ta flab. J'ai tout ça par passion, je sais que j'intéresse personne. Dans la myriade gros poissons, que du stress faut faire des sommes. J'ai choisi ma destination, j'suis posé avec mes potes. Je n'ai plus de Paxon, c'est pas grave, je vais faire une buzz. Oh, Buzzak City Gang, j'arrive en balle, je suis complètement crié. Quand je kick, ça fait bang, je fais des dollars, que des gros billets. J'arrive avec mon gang, ça va faire mal, tu vas m'écouter. Y'a que des balles train, c'est que du rap, arrête de pleurer. Détails de la vie font que je roule mon ronto sur ton queue. Tu sais que je ne veux pas ton cœur, tout ce qui m'intéresse c'est ton cul. Si tu t'as. Vas-y. Ok. Vas-y. Knack. Quitter Bordeaux. Bordeaux, navigue avec le Sony, on arrive au Lando. Location Lambo, Vegas Casino. Gagne les millions, les bâtards veulent ma peau. Go, désert Colorado. Window à travers les rideaux. Travaille les abdos, comme un commando. Je prends les commandes comme Cristiano Ronaldo. Pratique dans martiaux, on te casse le dos. Zona contre pseudo, je te fais pas de cadeau. Je te baisse comme Sony face à Nintendo. N de Sakalash, toi tu guéris Bushido. Ok, Nag, Ozzy, Carter, Nag. On switch. Vas-y. Balance. Ozzy. La 25ème, Radio Sud. Accélération de ma année, on n'est pas dans la même année. Si tu le dis, c'est donc que tu le portes, donc mesure tes propos avant de parler. Tout est réel, tout est carré. J'ai mis ma chemise à carreau. Dans le game, je me suis égaré. Et j'ai perdu toutes mes gares. Ah, vas-y, bro. On va switcher jusqu'à ce que ce soit la bonne. Ah ouais, c'est bon. Ah, ambiance caliente. Yeah. La musica de Harry Fry. Hey. Je suis dans les bails dans le bed. J'suis dans les bails dans le bendo. Hey, j'suis dans les bails dans le bendo. Tu connais Jess de Pobedo. Quoi de neuf, plus que j'ai mis des MC à terre. Ben rien à part que j'suis bientôt millionnaire. Carter 4, tu connais Eclipse, c'est toujours la même. Ouais, la même. Ouais, le C, tu connais mes beats, c'est toujours la même. Ouais, la même. Cartérisation, de retourne. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. T'es prêt ou quoi? T'es prêt ou quoi? Hey! T'es prêt ou quoi? Hey! Toto, je suis un super saiyan. Hey! Je me lance dans le game, ça y est. Hey! À ce qui paraît, le rap s'appelle. Hey! T'as besoin d'un bail, on s'appelle. Je me fais par recal, je suis sapé. Et j'ai un problème avec ta tête. Et tu sais, la distance sera salée. Je lève mon verre et je dis santé. Je suis dans le périphérique. Je te raconte mes péripéties. Je fais ma vie, j'avance petit à petit. Je suis que pourtant, j'ai un gros appétit. Je suis trop malin, je me fais pas péter. Jeune Marocain ne va pas vous taper. Fais pas le parrain et fais-toi plus petit. T'es gagné quand même, est-ce que tu fais pitié? J'arrive dans le game en balle. Personne ne sait vrai. Dans qui je suis, c'est pas grave, j'ai des armes. L'objectif, c'est juste qu'ils me suivent. Et comme ce putain de chat, j'ai des yeux qui peuvent même voir la nuit. Pierre fait pas plus si je suis trop déter, j'utilise le plus. Bezak City Gang, j'ai dit. Bezak City, Bezak City Gang, j'ai dit. Bezak City, hey, Bezak City Gang, j'ai dit. Bezak City, hey, Bezak City Gang, j'ai dit. Bezak City, hey, Bezak City Gang. Zone Axe, on atteste. Puissance d'Attila, fait trembler la fesse. Free Gang, sa majesté. Zone Axe, on atteste. Puissance d'Attila, fait trembler la fesse. N2A, incatornable. Sur la prod, je me balade. Toi et moi, pas de compète. Moi seul, j'suis la tempête. N2A, incatornable. Sur la prod, je me balade. Toi et moi, pas de compète. Moi seul, j'suis la tempête. Mon retour, pas une idée mauvaise. J'mets le feu, propage comme la braise. Mon retour, pas une idée mauvaise. J'mets le feu, propage comme la braise. Knock, knock, Ozzy, Carter, Ozzy. Knock, Bezak City Gang, j'arrive en balle. Hey, hey, hey, Bezak City Gang, hey. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Bois la concu comme un coca. Ils me disent aussi t'es trop taré, hey. J'bois la concu comme un coca. Ils me disent aussi t'es trop taré, hey. J'bois la concu comme un coca. J'bois la concu comme un coca. Hey, hey, hey. J'bois la concu comme un coca. Ils me disent aussi t'es trop taré. J'ai jamais eu besoin d'avocat. J'oublie la vie dans un carré, hey. Et demain je serai paré. Si tu veux on fait un pari. Ça change quoi au fond tu le sais, que demain ce sera pareil, wow. Hey, hey, hey. Taga taga dans la pièce, Taga taga dans la pièce, Havalar attım, Havalar attım. Kafama taktım, bu rapi çaktım ha. Sen de baktın, Taga taga dans la pièce. Samouraï maillot chef. Taga taga dans la pièce. Bayramımız, şanımız. Vatan bizim canımız. Feda olsun kanımız. Şanlı Türk milletiyiz. Biz ne kadar şanslıyız. Liderimiz atamız. Egemenlik milletin. Hem kalsın hem şanssız. Çıktı bizim Samsun'a. Gitti millet toplanma. Bu topraklara bizim sahip çıkan vatana. Mehmetçik var tepede. Kans kurur kafire. Milletini düşünür. Uykusuz o nebete. Ah. Je switch la dernière ou quoi? Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. On est toujours dans la 25ème, on balance la dernière. Hey, c'est chaud! C'est chaud! Trap, trap, trap. Hey, hey. Hey, hey, hey, taga taga dans la pièce. Pas taga t'as pas de fraise, hey. Osiris vient poser son 16. Revenu juste pour vous faire plaisir. Tu cours pour une paire de fesses. Parle pas de billets bénéf. J'passe ma vie au café lèvres. J'rate le but, j'suis trop zaf. Roule un doubi, roule un énorme doubi. Ouh, ouh, roule un doubi. Roule un noune, un doubi. Wouah. Hey, hey, hey. Ok, écarte-moi de ce bout là. Fin de carrière comme Imboula. Mon rap est sale comme Ebola. Le mich te me dit t'es beau là. Même si le bail est sombre, je veux une réponse claire. MJ, si ta meuf te kiffe, je sais que je vais lui plaire. On dit que je suis fort comme un turc, moi je dis que t'es en turc fort. J'annonce déjà que je suis numéro 1 et veulent parler de moi comme si j'étais nien. Eux, ils sont toujours en chien. Flow de roumain, famille 4. Monte sur le trône, ça certes. là d'où je viens, je suis Belfortin. Néro, je suis là et je fume le béton. J'ai rien à prier à part squatter le béton. Je reviens de loin pour montrer mon avance. Je charbonne dur sans connaître de vacances. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Un jour tu vis, un jour tu meurs. Je ne sais faire que du sale. La note sera sale, sale, sale. C'est ça nos vies, c'est ça le ce qu'on vit. Aujourd'hui je me noie dans la deux-oui. Dans la deux-oui, mec. Dans la deux-oui, mec. Dans la demi-weg. T'es prêt ou quoi? C'est carré, je fais un collage. Tu peux prévenir tous tes collègues. Mec, tu sais très bien que j'ai passé l'âge. Tu fais pas le poids, t'es trop lèche. Je passe toute ma nuit à compter ma paye. Poto, je ne vois plus le soleil. Pourquoi tu me tends le joint? Tu vois bien que c'est le cul de la vieille. Journée qui débute, je débite. Jamais ta terme à ce débat. Igo, tu enchaînes les feats. Et les gens te connaissent pas. Je fais mes bails, toi t'es die. Je profite du système de la faille. On se les caille, je fais de la maille. Ils me disent, Ozzy, t'es pas taille. Carter le sait. C'est Carter qui a kické. C'est Damadre qui a kické. Touche à ta famille et ton tenta cliqué. Fait que c'est pseudo MC confirmé. L'album je l'ai saigné, je l'ai confiné. Reste avec moi si tu persévères. Je lâche rien, faut que je persévère. On rêve de Bouska, de revêtir la pushka. Prendre la vie sans podka. Fini le nuit sous vodka. Malheureusement je kiffe les gars. Je regarde des gros culs sur Insta. Et je deviens vite instable. Je profite de l'instant, baisse ta braguette. Guette la vista, salope, salope. L'amour tue, demande à Mac salope. Miller. Ouais poto j'fonce des, fonce des, fonce des, fonce des, fonce des, fonce des. Ouais poto j'fonce des, ramène-moi le coca. Délire ceux de côté, respecte les quotas. Ta caisse elle est cotée, je ne fais que le constat. Mélange la côté, respecte les quotas. Ouais poto j'fonce des, ramène-moi le coca. Coca, délire ceux de côté, côté, respecte les quotas. Je lui fais une petite passe du talon. Personne ne reconnaît mon talent. J'suis monté comme un étalon. J'parle pas de ma vie, j'vais m'étaler. Vas-y dans la maison, calme dans la maison. Knock out. Radio Sud, sur Radio Sud, on s'en pense. Freestyle, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale. On leur a monopolisé leur radio là. Voilà. Bien, de toute façon, nous on avait rien de prévu, ça nous fait plaisir. Sale, Radio Sud, c'est la maison. Autour de la table, normal, normal, vous êtes chez vous. Merci, poto, merci. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Avec l'équipe, avec tout le monde. Jounes. Mention spéciale au rap turc là. La première fois, je tiens à le dire. C'est la première fois qu'on a du rap turc ici. C'est vrai, ça fait c'était plaisir. Bon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et franchement, il nous a tous insultés, on n'a rien compris. Franchement. Est-ce que t'as un petit truc à dire avant de t'en aller? Encore merci à vous, les gars. Yes. Et c'est tout, hein. Puis big up à ceux qui nous écoutent encore là. Yes, tous les auditeurs qui sont là. Sous les ponts, autour des tonneaux. Sous les ponts, sur les ponts. Comme sous le Queen's Bridge. Sale. J'avais envie de dire ça. Que Dieu te pardonne. Ok, la 25e, on est toujours là. Il est 23h46 exactement. Là, il y a Théo 2S, il vient de brancher son téléphone. Donc, je crois qu'il a envie de nous faire écouter des nouveaux morceaux là. Je crois qu'il a envie de nous faire écouter de l'exclusivité. Donc, on va en profiter jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à minuit. Ouais, mais il est pas invité lui. Théo 2S, Heatwave, c'est comment? Ça marche là? C'est quoi? C'est bon? C'est quoi la date de sortie? Ok, début août, Heatwave, le projet de Théo 2S avec Charlie, donc qui est une artiste du coin. On va vous faire découvrir ça sur Radio Sud 101.8, radiosud.net, comme d'hab. T'es prêt, c'est bon? Vas-y, envoie. Turn off these lights. Bye, bye, get away tonight. Move up, I'm on fleek way too high. Bye, bye, let me see your light. Move up, you're wasting, turn off these lights. Bye, bye, get away tonight. Move up, and please be crazy tonight. 1, 2, 3, 4, je prends la température et je repars vers ailleurs. Après quelques quelques verdures. On consomme la verdure, il nous souhaite le malheur. Malgré ça, on assure, tu me le jettes, je te crève l'œil. Hey, pépé, pépé, le calume et j'allume. Au milieu de la piste, toute la soirée j'assume. On est là pour la nuit, elle m'a donné son hume. Mais je vais rien lui redire, eh, eh, eh. Je vois mes rails sur la gauche, je vois mes rails sur la droite. Y'a pas de verre de trop, en buvette à ma table. Sylvain reste à ma gauche, Sylvain reste à ma droite. Obrigata, mos June, ça t'es au final d'un an. Bye, bye, let me see your light. Move up your waist and turn off these lights. Bye, bye, get away tonight. Move up, I'm on fleek way too high. Vadrouille, savait ce qu'il est casse-couche. Lâche des vues, il voit flour, parfumer une cartouche. Allez, j'ai que ça aime trop parler, ça y est. Y'a pas de blême, pro gros, fais ta soirée, hein. Ouais, tout est réel, dans un monde parallèle. Pense à faire de l'oseille pour du superficiel. Recèle-toi un verre, fais comme à la messe. Donne pas de filon, j'ai déjà toutes les ficelles. Rien que ça échange des regards pour la vie ou un soir. On s'est vu depuis le départ, elle repart avec moi. Il est déjà très tard, j'ai les yeux qui se ferment pas. Il faut tous les fêtards et termine terre. Bye, bye, let me see your light. Move up your waist and turn off these lights. Bye, bye, get away tonight. Move up, I'm on fleek way too high. Bye, bye, let me see your light. Move up your waist and turn off these lights. Bye, bye, get away tonight. Move up and please be crazy tonight. Quarters don't skipping. Corazón. Au revoir. Dis-moi pourquoi tu fuis. Combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, ne t'en va pas, mi corazón. Corazón, corazón. I'm a fresh baby, comment allez-vous? Cool, like a freestyle top off the roof. I'm a new, you know the yacht like a cruise ship. V12, Rory diamonds freezing on my deuce and lion face. I'm talking about 100 links, tears, big barrels, Osama cake. Hey. Butter like peers, multi-millionaires for 20 years. But really though, 24K gold solid, through my city flow, did it up. Fresh vanilla on a rock, I'm making melon do the bop. Bottom of the pot, or the top and the bottom, from the bottom to the top, hey. And you know what I'm on, grind all night, count money in the morning. Dis-moi pourquoi tu fuis, tout le qu'est-ce que je suis, mi corazón. Combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, ne t'en va pas, mi corazón. Corazón. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, tout le qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait. Commerçants, artisans, grande surface. Vous avez un besoin? Nous avons la solution. Affichez-vous sur Radio Sud et radiosud.net. Bannière, campagne audio, plan communication à des tarifs très attractifs. Contactez Radio Sud Régie au 09 51 63 33 30. 09 51 63 33 30. Radio Sud, yo, yo. La radio urbaine de Besançon. Besançon a enfin trouvé sa radio. Radio Sud. Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. My 65 speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah. Got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? Intense, this shit, it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had $1 million, so was down to 10 cents. She'd be down for whatever, never gotta convince. You know? Hope to die to my lover, I'd never lie. I love you, baby. Still be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. Mobbing to the end of time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressing all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch, see, that's my soldier. She keep that thing thing. If anyone goes there, the karma collected. She keeps her composure, and she gon' ride for me. Until this thing over, we do drugs together, fuck up clubs together, and we both go crazy if we was to sever. You know, we keep mobbing, it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gon' keep getting rich, you know. Cross my heart, hope to die to my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. Take a life, it's him and I, and I swear. Ay. To the end, I'ma ride with you. Mob and get money, get high with you. Yeah. Cross my heart, hope to die. This is a ride or die. You can confide in me, there's none to hide, and I swear. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'ma die with you. Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. Radio Sud. Radio Sud. Yeah, caliente. Je parais. Yeah, right in front of Don't Stop, Don't Stop. DJ Kev, Don't Stop, Don't Stop. Musique, Don't Stop, Don't Stop. DJ Plus, Don't Stop, Don't Stop, Don't Stop. Yeah. Shake, shake, shake your body. وغرامك ما جالي في البال. Move your, move and move your body. كذب عليك نقول نسيته. Shake it, shake it, shake your body. وعلاش انا كداير الهبال. Bounce, bounce, bounce your body. Yo, bounce, bounce, bounce your body. Yo, shake it, shake it, shake your body. Yo, shake it, shake it, shake it, baby. هاي دير نشوفك نبدا نفرني على بالي وش راني ندير. اي من يدك زيدي لي ترني متعذب والقلب ضرير.